just fucking man. Je te fais ce que je suis censé faire. Que je suis censé faire. Que je suis censé faire. Oh. À la fin, je suis pas censé perdre. Je suis pas censé perdre. Je suis pas censé perdre. Oh. Donc j'avance et je me porte dans le bon sens. Peu importe ce que tu penses, j'ai pas le temps, je vais faire ce que je suis censé faire. Oh. Ah. Faut que je pense à la prière. C'est pourtant pas difficile. Paradoxal, mais j'ai besoin de liquide pour pouvoir mettre mes parents à l'abri. Mec, je dois m'en sortir pour ne pas que ce soit encore pire. Mes deux gros efforts sont à pourvoir. Je dois payer un loyer mais sans salaire ni pourboire. Mais j'ai pas les pouvoirs des mecs de Poudlard. Non, je ne veux plus voir de larmes pleuvoir. Ni couler si c'est pour former des torrents sur les yeux, les joues de mes parents. Mais je me dois d'être le garant de leur bonheur et pouvoir combler, éviter les carences et puis augmenter les carences. Moi et les sept péchés capitaux. Les gros, l'argent c'est capital. Donc bonheur ou pas, je me dois de prendre des billets. Je suis pas censé piller, je suis juste censé plier. Le taf est censé briller. Oh, yo. Comme tout le monde, je vais canner et je doute que je ressuscite. Hey. J'ai qu'une vie et dans tous les cas, il faut que je la réussisse. Mais juste faire ce que je suis censé faire. Ce que je suis censé faire. Ce que je suis censé faire. Oh. À la fin, je suis pas censé perdre. Nah. Je suis pas censé perdre. Non, je suis pas censé perdre. Oh. Donc j'avance et je me porte dans mon sens. Peu importe ce que tu penses, j'ai pas le temps, je vais faire ce que je suis censé faire. Oh. Trop de faire mon canapelle, ne parle pas à peine. Ma dalle a enlevé de mon vocabulaire le mot flemme. Fuck un négro frêle, Diff est à l'image de son entraîneur. Niquerai le game jusqu'à tu le m'aimes. Si je l'ai dit, j'y vais vraiment. Et puis j'y vais game. Je dogine obligé, j'attends mon paiement. Et si jamais des tas de blagues veulent me carjack, si je vous attrape, vous expliquerez avec mes démons. Il ne s'agit que de faire le job, faire le job, fais-le. Vers le top, le ciel. Ils chutent dans mes ailes, ils ne veulent pas que je revienne. Comme on passe dans ses nerfs, cesse de ricaner les hyènes. Head ready pour la suite. Glisse mon oeil sur la prod, je suis en roulis. Ma paire de Jordan me dit Freddy, just do it. Totalement canalisé, virer vos meufs pourries. Tu le yin, le yang, le big bang. Les négros font des signes de gang quand je rime dedans. Devant la porte de la gloire, je braque ma gloire. Je paye mon ardoise et je ding dedans. Oh, okay. Juste faire ce que je suis censé faire. Que je suis censé faire. Que je suis censé faire. Oh. À la fin, je suis pas censé perdre. Je suis pas censé perdre. Je suis pas censé perdre. Oh. Donc j'avance et je me porte dans mon sens. Peu importe ce que tu penses, j'ai pas le temps, je vais faire ce que je suis censé faire. Oh. Ah. Aujourd'hui le respect n'est plus gratuit, je suis censé être plus actif. Si je veux que mon business soit lucratif, j'ai beaucoup échoué, j'ai fait un max d'erreurs et ça me fait rough. Mais maintenant faut que je fasse mes preuves. Je dois m'occuper de ma santé, m'occuper de celle des darons. Continuer mon avancée, continuer à prendre du galon pour que mes calembours m'aident à toucher les gens des alentours. Pareil que j'y arriverai, pareil que j'ai le talent pour. Donc je suis censé rester focus, rester concentré, centré sur moi, mais ne laisserai jamais personne m'excentrer d'entrée. En vrai je sais bien que je suis censé rester sensé et penser au bien pour pouvoir avancer sur ma lancée. Ouais je suis censé faire moi.